Et notre première invitée qui arrive, c'est une fille, bah on est galant, et c'est comme ça. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et on est fiers de l'accueillir à la radio, puis on m'appelle en même temps sur le portable, et j'ai horreur de ça. Bonjour Emeline Dussard. Bonjour. Une habituée des lieux, parce que c'est la deuxième fois que tu viens sur Radio Arc-en-Ciel. Oui, exactement. Emeline Dussard, agent de développement, comité, handisport, Loiret. Alors, c'est une grande phrase, on peut expliquer un petit peu aux gens, aux auditeurs qui nous écoutent actuellement sur Orléans et la périphérie. Ouais, bah du coup, globalement, on va gérer du coup le sport et le handicap à échelle départementale. C'est ça. On va aider les clubs, on va proposer, on va trouver des projets autour du sport et du handicap. Pardon. Voilà. Est-ce que c'est facile aujourd'hui? Alors, on va parler du Covid justement. Est-ce que c'est, alors déjà qu'à la base c'est pas forcément évident, mais avec le Covid, est-ce qu'on s'en sort quand même? Alors bah on essaye de travailler pour trouver des solutions comme tout le monde. Exactement. C'est exactement ça, comme tout le monde. Des parades. Ouais, c'est ça, on essaye de trouver des astuces. Ouais. Alors des fois on y arrive, des fois on se vautre un petit peu, mais on essaie d'être là. On essaie d'être là, c'est la compétition, c'est ça. Et justement, tu parles de compétition, c'est ça, dans la tête quand on est quand on fait du sport, on fait de la compète, et eh bien on est peut-être plus motivé, on a peut-être plus envie comme toi aujourd'hui de se battre aussi pour le sport handicapé aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Super important de voir tous ces gens qui font du sport aussi parce qu'ils ont le droit de faire du sport. Alors où en est-on aujourd'hui? Une réouverture de plusieurs de nouveaux lieux où on peut notamment s'inscrire, c'est ce que tu disais hors antenne, Emeline. Ouais, on essaye de développer le sport et le handicap, c'est notre boulot. Et ouais, exactement. Et ouais. Là, notamment, on a ouvert un créneau sportif multisport qui sont adressés du coup aux personnes en situation de handicap physique, sensoriel et polyhandicap. Ouais. Et là, du coup, c'est les lundis soirs au gymnase de la Bolière à Orléans-la-Source. Ouais, d'accord. Et donc là, du coup, on va proposer, on va s'adapter. Ça peut être une soirée, on va faire tennis de table, une soirée, on va faire de la sarbacane. Ça, tous les personnes handicapées, tu parlais d'handicap là. Oui. Il y en a plusieurs styles, enfin plusieurs modes handicapés. Là, quelles personnes handicapées peuvent venir? Là, ça va être vraiment moteur, sensoriel, donc tout ce qui est personnes déficientes visuelles, déficientes auditives. Ouais. Et des personnes en situation de polyhandicap aussi. Est-ce que justement les familles n'osent pas peut-être venir vous voir, vous rencontrer, se dire c'est peut-être pas pour lui, c'est pas pour elle. Justement, il faut casser ce mythe. On vient tester. Ouais, nous, on est des gentils. Hein. Quand tu viens, t'as toujours le sourire. Et ça fait vraiment plaisir, en tous les cas. On peut tester. Après, certes, peut-être tous les sports ne sont pas pour X personnes, mais ça peut être des questions essayer, de choix. Hein, on vient essayer, c'est tout. Et nous, on refuse pas une personne, on va la réaiguiller sur une activité qu'elle voudrait faire, en fait. Ça doit arriver que la personne elle sait pas où est ce qu'elle va faire, et puis comme ça elle trouve le tennis de table c'est pour moi, le basket, j'ai des bêtises peut-être, c'est ça. Je peux me tromper, et là vous arrivez à les orienter, leur donner une passion et d'aimer le sport malgré le handicap. Ça les aide, ça, moralement. Moralement, puis même je pense aussi tout ce qui est physiquement, socialement, le fait d'être en contact avec d'autres personnes, ça élargit son cercle social, et c'est vachement important aussi. Surtout super pour se reconstruire après, par exemple, un accident ou autre. Ça peut être un bon plan aussi. Et puis, se reconstruire, comme tu le dis, ça peut aussi évacuer le stress, l'ennui du quotidien, parce que malheureusement, le quotidien est là. Et les sortir de la routine, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, Emeline. Vous êtes là. Et si, franchement, moi, si je venais te voir, j'ai envie de faire du sport, parce que t'as toujours le sourire, la communication. Non, mais c'est vrai, ça. J'ai mes côtés aussi où je vais les embêter. C'est quoi alors? Il faut les embêter un petit peu, les forcer, c'est... peut-être entre guillemets. Je dis les forcer, attention. Pas les forcer, mais quand on est en séance, on est dans la séance, on n'est pas ailleurs. On n'est pas ailleurs. Il faut les recevoir. C'est bien. Faut être. Il y a les moments conviviaux, il y a les moments où on est en séance et on reste concentré. Comme tout le monde, vous êtes aussi en mode Covid. Yes. J'appelle ça comme ça parce que ça commence à être un petit peu long pour beaucoup de personnes, pour vous aussi également. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de travailler comme ça avec le Covid qui est toujours là, suspendu au-dessus de nous, qui nous attend, qui nous guette? On travaille, on essaie de monter malgré tout des projets, d'avoir des idées, de construire. Si ça se fait, c'est très bien. Si ça se fait pas, ça sera peut-être pour une autre année ou un autre moment plus calme sur ce sujet-là. C'est ça. Et c'est important pour vous justement de se motiver, d'aller de l'avant malgré le Covid qui est là, de trouver des solutions, des projets, de dire on pourrait faire ça au lieu de faire ça, plutôt ça. Ouais, c'est super important. C'est important, et puis surtout aussi ça nous change, on va changer notre façon de penser un événement. tout simplement. Ouais. On va donc on a ce critère Covid qui apparaît maintenant, donc ça nous force à trouver des nouvelles activités, à avoir des distanciations dans l'activité et à faire ça dans les règles, dans les protocoles actuels. C'est ça. Et je me dis une chose, c'est que le jour où on va sortir de toute cette merde, excuse-moi, je suis honnête, hein, il faut appeler ça comme c'est. Hein. J'ai un pressentiment que ce sera plus facile après, peut-être, parce qu'on aura vécu des choses un peu dingues, comme beaucoup de personnes sur la planète. Et quand on sera sorti, j'espère qu'on va s'en sortir. Je pense qu'on prendra les choses plus à la légère après. Ouais, non. Alors est-ce que ça sera plus simple? On aura peut-être d'autres difficultés. Ouais. Ou peut-être qu'on n'arrivera plus à se réadapter au monde d'avant. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, des événements qui arrivent aussi par rapport à tout ça, des événements, et ça va se passer samedi. Oui, tout à fait. Samedi 26, en collaboration avec l'Aviron. Ouais, l'Aviron. On propose du coup au gymnase de la Beauvoir à Olivet une activité. Donc ça s'appelle la rame au fil de l'eau. Donc, ouais. Toute la journée, il y aura des activités autour de l'aviron et du handisport. Ah, sympa. Voilà, donc des activités aviron, il y aura sûrement un... Sur les bords du Loiret, non, c'est ça? Alors, ça va pas être sur les bords du Loiret, ça va être en gymnase, du coup. En gymnase. Ouais, en gymnase. J'étais déjà parti sur la Loiret. Avant, il faut déjà être un petit peu calé, je pense. Ouais, tu vas pas les balancer à la flotte comme on ça. On va pas les balancer comme ça. Ouais, voilà, c'est clair. Je suis un peu fou, moi. Ouais, mais après... Non, après, c'est encadré. C'est ça, c'est encadré. Et tout. Mais pour l'instant, on va rester en gymnase, mais il y a des simulateurs déjà d'aviron. Ça existe. Et nous, on va proposer plus tout ce qui est atelier type basket fauteuil. Cécifoot, donc parcours de cécité et apprendre à maîtriser un ballon en cécifoot, chose qui n'est pas aisée. Ça ne devrait pas être facile. J'ai déjà maté des matchs de basket comme ça en fauteuil. Je ne sais pas comment ils font, parce qu'il faut maîtriser quand même entre le fauteuil, le déplacement. T'as déjà essayé, toi, ou pas? Tous les mercredis. Tous les mercredis, il y a le basket fauteuil. Donc, on pratique avec les jeunes. Bien ça. C'est pas mal. Donc, samedi, c'est à Olivet. C'est à Olivet, c'est ça. Voilà, si vous voulez tester, l'aviron. L'aviron et le handisport aussi. Alors, au début, c'est en gymnase, tu disais. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et après, est-ce qu'il y a la possibilité, pourquoi pas, d'aller sur le bord de Loiret? Je sais pas si c'est sur Loiret ou la Loire, je sais pas. Ouais. Bah, je pense que ça peut être les deux, en parce fait. C'est bien aussi de voir le réel. Après, le simulateur d'aviron, de tester ça en vrai, pour les jeunes, c'est bien aussi. Ça va être vraiment un test. Et puis après, à voir si on a des personnes motivées pour aller directement sur l'eau et prendre des séances d'aviron de vraiment réel, quoi, d'aviron, et de tester ça, quoi. Ça, c'est même c'est mieux. Le but, hein, en plus, c'est la nature, c'est il y a tout. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Aujourd'hui, comment le comité handisport Loiret voit l'avenir, se projette comment par rapport au Covid, tout ça, les événements, tout ce qu'il faut faire? Vous voyez ça comment, vous, dans le bureau? Enfin, là, du coup, avec vous êtes ma plus collègue, motivé. On est motivé, ouais. Encore plus qu'avant, ou alors ça stagne? Non, de la même façon, en fait. Ouais. On sait qu'on a des événements, on sait qu'on a des échéances, et on bosse exactement de la même façon. On se motive, on crée, on arrange, on modifie. On développe, et à la fin, on essaie de sortir un truc parfait, quoi. Bien. Est-ce que c'est pas trop un casse-tête chinois, tout ça? Je dis chinois. Ça va avec, on va dire, excuse-moi l'expression, mais ça peut aller avec, hein. Ouais, il y a un peu plus de challenge. Ouais, c'est ça. Et justement, ça te donne peut-être des idées, hein. Ça peut donner des idées. Ça creuse les ménages. On doit réellement se renouveler la façon de penser toute une séance, en fait. Voilà, donc on essaye. Ceux qui viennent au sport n'ont pas trop peur, on va dire, parce que ça fait peur aussi le Covid. N'ont pas trop peur, ou ne viennent plus, ou... Ouais, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. On vous appelle, on vous dit non, mais on viendra pas parce que voilà. Ça peut arriver, mais après voilà, on essaye de faire le maximum pour les gestes barrières, pratiquer en toute sécurité. On fait vachement attention à ça. Ouais. Et on espère que les sportifs pourront revenir le plus possible, quoi. Justement, tu dis que les sportifs peuvent revenir le plus possible. C'est si tu avais pour terminer cette interview qui va se terminer dans moins de 2 minutes. Ouais. Des derniers mots à rajouter, quelque chose qui arrive. Qu'est-ce que tu as à leur dire aujourd'hui, justement, aux personnes qui nous écoutent, qui sont handicapées et qui veulent faire du sport, qui osent pas, qui se disent non, c'est pas pour moi, j'ai envie, mais je sais pas. On peut vous joindre. On peut nous contacter. Ça peut être par mail, ça peut être par téléphone, par Facebook. On est assez réactif là-dessus. Et ou tout simplement venir voir. On ferme la porte à personne. On tape au gymnase. On entre et bonjour, je suis telle personne, je viens tester. Ok, d'accord. Comme ça, vous prenez. Voilà, on prend avec le protocole. Avec le protocole, exactement. Ouais. Exactement. Il y a le masque et tout, aussi. Alors, on a le masque quand on ne pratique pas. Quand on pratique, on peut retirer le masque. Ouais, et dès qu'on retourne, par exemple, pour faire une pause, on va remettre le masque. Nous, on a le matériel gel hydroalcoolique, des désinfectants pour le matériel. Voilà, on devient des agents d'entretien maintenant. Voilà, donc le samedi, on rappelle le rencard samedi, l'aviron à Olivet. C'est au gymnase de la Beauvoir. Ouais, on rappelle ce beau rencard. Toute la journée. Quelle heure ouais, ça va être un bon 10h-16h. Oh, bah ça va déjà. Ouais, c'est large. C'est pas mal. C'est large. Après, d'autres activités, tu me disais le mercredi, il y a le basket. Ça va être un créneau pour un établissement notamment. Et après, on a l'école du handisport qui reprend. Ouais, ça, c'est réservé aux jeunes du coup. Mm-hmm. On va être sur du 8-18 ans. Ah, rien. Et on a un créneau au complexe La Source. La Source, ouais. Mercredi, ça fait 16h-18h. Ouais. Et Saint-Jean-de-la-Ruelle, on est au complexe Millet. Et ça va être les jeudis de 16h45 à 18h15. Et ben voilà de beaux événements. En tout cas, on peut vous retrouver sur votre page Facebook Comité Handisport Loiret, si je ne me trompe pas. Ouais. Si vous voulez des renseignements, on vous contacte via le Facebook. Vous avez aussi il y aura un numéro de téléphone, je pense. Il y aura des mails. T'es joignable. Si vous osez pas y aller, n'hésitez pas à contacter sur Facebook, à envoyer un petit message et puis elle vous répondra, Emeline, toi ou tes collègues. C'est qui la deuxième? On est deux salariés, ma collègue. Solène Chenuet, qui est en activité sportive, donc bon courage à elle. Ah ouais, ça y est, on lui passe le bonjour. C'est ça. Alors l'émission est enregistrée, tu pourras récupérer l'enregistrement juste derrière. Je remercie Florent qui fait tous les enregistrements de la radio. Voilà. D'accord. Un dernier mot à rajouter peut-être, Emeline, si tu avais quelque chose à dire pour finir, conclure cette belle interview. Si tu as des choses à dire, tu peux te lâcher. Balancer un truc. Merci pour l'accueil en tout cas. Quand tu veux. Mais toi, il faut venir régulièrement. Moi, tu me dis, je viens une fois par mois, deux fois, c'est pas un problème. D'accord. Tant que ça intéresse les gens, l'handisport, etc. Faut faire bouger les choses. Et puis les médias, on est là pour ça aussi. D'accord. C'est super sympa. Moi, je préfère recevoir des invités que passer de la musique, tu vois. D'accord. Merci en tout cas. Puis n'hésitez pas à nous contacter si besoin. Et puis samedi, rendez-vous à Olivet. C'est ça, rendez-vous à Olivet. On vous attend. Voilà, on vous attend pour faire de l'aviron, un peu de sport, ça fait du bien. Emeline, on te remercie, on va faire la photo. Merci beaucoup. Merci de sourire à cette bonne humeur. Ça fait plaisir de voir des gens comme ça de bonne humeur. En direct à la radio, vas-y. Lee Tourné sur l'air en ciel.